Il y a des verbes qui, avec je, finissent en go. Hein? G-O. Go. Je les appelle les verbes gogo. Comme par exemple le verbe avoir, dans le sens de posséder, qui se dit tener. Tener. Hein? Tener, c'est avoir. Hein? Alors, vous, usted, hein? Vous avez, ça sera tiene. Tiene. Hein? Et pourquoi? Eh bien, parce que vous accentuez le « et », c'est un peu comme si vous appuyiez dessus. Hein? Il finit par céder sous la pression, se scinde en deux et devient « ye ». Tiene. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas? Vous posez la question à usted. ¿Por qué no lo tiene? D'accord. ¿Por qué no lo tiene? Nous ne l'avons pas. No lo tenemos. No lo tenemos. D'accord. Mais pour dire j'ai, hein, c'est tengo. Hein, tengo. J'ai.